Radiomatique. Audiomatique, transmission 527, C'était en ouverture la musique du projet tchèque Frontier Guards. Nous avons entendu la pièce Screaming dans une version remaniée par le duo Sublime. La version originale, tout comme le remix, peuvent se trouver sur le premier album de Frontier Guards, intitulé Predestination et publié en 2008. Et maintenant, c'est au tour du projet américain Lost Signal d'assurer la continuité à Audiomatic. We'll be right back. Nous avions droit à Audiomatic au groupe anglais The Charlatans le 8 novembre 2024 pour célébrer le 30e anniversaire de leur troisième album Up to Our Hips, qui est paru originalement en 1994. The Charlatans ont lancé une version 30e anniversaire qui comprend des pièces bonus, c'est-à-dire des pièces provenant de sessions d'enregistrement en direct, des B-sides, des versions alternatives et des outtakes. Donc, de cette version 30e anniversaire de l'album Up to Our Hips de The Charlatans, nous avons entendu la pièce Phil Flows. Et tout juste avant The Charlatans, c'était le projet américain Lost Signal, mené par Charles Rehill, de son troisième et plus récent album qui porte le titre de Anatomy of Melancholy et qui est paru le 15 novembre 2024. Nous vous avons présenté la chanson Clover. Poursuivons maintenant sur la musique du groupe dirigé par le contrebassiste d'origine israélienne Avishai Cohen.

À Audiomatic, nous venons d'écouter la formation mexicaine Mint Field et sa pièce El Mar Me Veía, tirée d'Aprender a Ser Extended, paru en 2024, qui est en fait un mini-album complémentaire au plus récent album Aprender a Ser, qui lui est paru en 2023. Avant Mint Field, c'était l'artiste Beth Gibbons, chanteuse de la formation Portishead. Celle-ci nous a présenté en 2024 un album solo, Lives Outgrown, duquel nous avons écouté la pièce Rewind. Et on amorçait la séquence avec la formation du contrebassiste Avishai Cohen de l'album Continuo, publié en 2006, nous avons entendu la pièce Smash. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec la formation brésilienne Nomadji Orchestra. We'll be right back. C'était à Audiomatic, la formation anglaise Afro-Celt Sound System. De son 8e et plus récent album studio intitulé OVA et sorti le 4 octobre 2024, nous vous avons fait jouer la pièce The Hawk Hall's Lament. Précédemment, nous vous avions droit au groupe brésilien Nomadji Orchestra et la pièce Mariposa Tigre, extraite de leur 5e album, Terceiro Mundo, paru le 11 octobre 2024. Ce sera avec le projet Clock DVA que se conclura cette transmission d'Audiomatic. Nous entendrons la pièce Memories of Kelvin for Era, tirée de l'album Post Sign, publié en 2013, mais qui comprend des pièces inédites originellement composées dans les années 90 et retravaillées dans le cadre de la sortie de ce disque. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomaticcfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Clock DVA et la pièce Memories of Kelvin tirée de l'album Post Sign. C'était Audiomatic avec les sonoristes. I'm gonna go to the hospital. Thank you.